Mireille Kanyangi. Vous suivez la radio Isanganiro, madame, monsieur, bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici la charpente. Le ministre burundais de l'Intérieur a affirmé être au courant d'un sabotage contre le gouverneur de la province Bururi. Il s'est exprimé ce vendredi au cours d'une descente de quatre ministres dans cette province. Les eaux des rivières se jetant dans le lac Tanganyika vont désormais être traitées pour faire face au manque d'eau, déclare le directeur général de la régie des eaux. En province Lomongué, des élections de nouveaux organes représentant les pêcheurs de différentes plages de pêche vont être organisées. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayou. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore une fois dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur a affirmé être au courant d'un sabotage contre le gouverneur de la province Bururi. Il s'est exprimé ce vendredi dans une descente de quatre ministres, une descente effectuée au lendemain d'une insécurité en commune Bururi. Le point avec Zeno Nzambimana. Cette réunion de ce vendredi a été organisée à Bururi par quatre ministères, à savoir celui ayant l'intérieur dans ses attributions, celui de la justice, celui ayant les infrastructures dans ses attributions et celui de la défense nationale. Dans son mot d'accueil, le gouverneur de la province de Bururi, colonel Nodas Badezamaso, est revenu sur les cas de criminalité observés ces derniers jours en commune Bururi et surtout sur la colline Mugozi où des innocents ont été tués et blessé par des hommes armés de machettes. Mais certains parmi ces malfaiteurs, dont un qui a dénoncé d'autres de son groupe et leur chef, ont été arrêtés et sont pour le moment dans les mains de la justice, a indiqué le gouverneur de la province de Bururi, tout en soulignant qu'il s'agissait d'un groupe qui avait l'objectif de ternir l'image de l'administration provinciale de Bururi. Le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions a indiqué qu'ils sont déjà informés qu'il y aurait des gens qui tenteraient de faire le sabotage contre le gouverneur de la province de Bururi. Martin Niteretse rassure cette autorité provinciale que le gouvernement qui lui a placé à la tête de cette province sera toujours à son secours et il sera protégé. Gouverneur, tuzokutabara. Martin Niteretse appelle la population de la province de Bururi à connaître que l'actuel gouverneur de cette province est bel et bien lui qui est à la tête de cette province. Vous saurez que ces ministres étaient à Bururi pour recueillir les doléances de la population. Tous appellent la population de la province de Bururi à couper court avec ces cas de criminalité pour emboîter le pas aux autres provinces dans le développement. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Nzambimana. Quittons la province Bururi. Rendons-nous en province Lomongué. C'est toujours au sud du pays où des élections de nouveaux organes représentant les pêcheurs des différentes plages de pêche de cette province vont bientôt être organisées par les pêcheurs eux-mêmes. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Lomongué, l'a dit ce jeudi lors d'une réunion avec les patrons pêcheurs opérant dans cette province. Et après des lamentations des patrons pêcheurs que la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, récemment suspendue par le Premier ministre burundais, continue à les représenter dans différentes réunions les concernant. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon certains patrons pêcheurs opérant dans les eaux territoriales du lac Tanganyika en province de Lomongué qui se sont exprimés, ils sont toujours représentés par le président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi dans des réunions les concernant, alors que, selon eux, cette fédération est suspendue par le Premier ministre burundais depuis fin 2022. Faisant référence à la réunion organisée par l'autorité du lac Tanganyika en début de ce mois de mai 2023, dans laquelle ils disent ne pas avoir été invités, ils voudraient qu'ils se choisissent désormais les représentants. Dans une période ne dépassant pas deux semaines, ces élections seront organisées pour vider cette question qui revient souvent selon Léonard Nyonsaba, gouverneur de Lomongué. pour Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, cette fédération est bel et bien fonctionnelle avec une bonne collaboration avec l'administration locale et la police, puisque selon lui, elle est légale. Il indique que seules les perceptions en argent ou en poisson par la coopérative ou le comité de pêche ont été suspendues. Pour lui, que des élections des représentants des pêcheurs sur différentes plages se fassent est une bonne chose et cette fédération se dit même prête à aider pour la réussite de ces élections. Des difficultés dans l'optation du carburant dans les stations-service par ses patrons pêcheurs ont été également soulevées. Le gouverneur de Rumonge dit qu'une liste issue du recensement de ses patrons pêcheurs effectué ce jeudi où 338 patrons pêcheurs ont été identifiés dans les trois communes riveraines du lac Tanganyika en province de Rumonge sera chaque fois consultée en cas de disponibilité de l'essence. Pendant ce temps, les activités de pêche dans le lac Tanganyika se poursuivent, même si l'autorité du lac Tanganyika avait annoncé la fermeture du lac Tanganyika pendant 3 mois, et cela a compté du 15 mai 2023. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, nous poursuivons avec cette édition. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a approuvé la note selon laquelle la société Musumba Steel va produire du fer éponge sur un terrain de près de 12 hectares situé en province de Makamba avec une capacité de 50 tonnes par jour dans un extrait du compte rendu du dit conseil. Prosper Naurgwami est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, fait savoir que cela vise la limitation des importations de l'acier suivi. Musumba Steel est une entreprise burundaise opérant dans le domaine de la transformation de l'acier pour produire des matériaux de construction, notamment les tôles, les clous, les fers à béton, les tubes, ainsi que des profilés de toutes sortes. Elle s'alimente en rouleaux d'acier sur le marché extérieur, ce qui engendre une importante somme de devises sortant du pays. Pour faire face à cette situation, Musumba Steel a entrepris des efforts pour produire de l'acier au Burundi avec des matériaux disponibles localement. C'est ainsi qu'une autorisation de prospection de fer et des minerais associés sur le périmètre Nyangesonga lui a été octroyée. En date du 27 mars 2023, la société Musumba Steel a présenté un dossier de demande d'une autorisation pour l'exploitation d'une carrière industrielle à titre pilote pour la production du fer éponge. Le projet pilote de Musumba Steel a pour objectif de substituer le fer importé par du fer extrait et traité localement. L'exploitation se fera sur le site Wikowe d'une superficie d'environ 12 hectares du périmètre Nyangesonga. Le projet vise la construction d'une unité pilote de production de fer éponge avec une capacité de 50 tonnes par jour. Après analyse de cette note, le Conseil des ministres a approuvé cette demande et a formulé les recommandations suivante. Le ministère en charge des mines est appelé à mettre en place un comité chargé de suivi de l'extraction de ce fer par Musumba Steel. Les procédures requises par les lois et règlements en matière de mines doivent être respectées. Étudier les modalités de collaboration avec les sociétés qui viennent opérer dans le secteur minier afin qu'elles forment des techniciens burundais. Encourager l'investissement dans le secteur énergétique car la disponibilité de l'énergie est importante pour l'extraction minière. D'autres projets méritent d'être encouragés, à savoir le projet de production du marbre, la société Soteb qui envisage de produire 100 kg d'or par mois et le projet de production industrielle de la tourbe. Le même Conseil des ministres s'est penché sur des irrégularités constatées au ministère de la fonction publique où des fonctionnaires sont payés sur un même compte. Les fonctionnaires fautifs devront être sanctionnés, a souligné le dit conseil. Suivez encore une fois le porte-parole du gouvernement burundais et secrétaire général. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a informé le conseil sur le processus de contrôle de la paix au sein du ministère dont il a la charge. Il a parlé d'une liste de 432 fonctionnaires dont au moins deux personnes partagent le même compte de paiement, d'une liste de 66 fonctionnaires payés sur deux comptes différents, d'une liste de fonctionnaires qui, de par leur date de naissance, par exemple de 1900 à 1930, etc., qui devraient avoir quitté la fonction publique depuis longtemps. Sur analyse des documents reçus et après confrontation avec les informations recueillies dans les dossiers physiques des fonctionnaires, la commission qui a été mise en place à cet effet a trouvé que le partage des comptes était fait selon les groupes suivants. Les fonctionnaires mariés dont les salaires transitent sur le compte commun du couple. Les fonctionnaires mariés dont les salaires transitent sur le compte de l'un des conjoints. Les sœurs et les frères des congrégations dont le salaire transite sur le compte de la congrégation. Les fonctionnaires payés à travers les microfinances. Beaucoup de comptes sont des comptes communs de ces microfinances auprès des banques commerciales sur lesquelles transitent les salaires avant d'arriver sur les comptes réels. Il a indiqué ce qui est en train d'être fait pour qu'il n'y ait plus confusion, mais que le travail de vérification des cas de fraude dans le ministère continue, car celle-ci est une réalité. Pour la phase de vérification de la liste des fonctionnaires avec des âges douteux, le travail est en train d'être fait. Il a été recommandé de sanctionner les fonctionnaires fautifs et, le cas échéant, porter à la connaissance des autorités habilitées leur nom pour une suite appropriée. Il a été également demandé au ministère qui ne l'ont pas encore fait de transmettre les listes des fonctionnaires qui sont déjà en âge de retraite. Prosper Nahor Gwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. La régie des eaux prévoit le traitement des eaux des rivières se jetant dans le lac Tanganyika pour résoudre le problème de manque d'eau. Le directeur général de cette société s'exprime après des lamentations de la population des quartiers Mugoboka et zone Moussaga qui peuvent passer une à deux semaines sans avoir de l'eau potable. Jean-Albert Manigomba affirme que la production de l'eau est en quantité insuffisante, d'où la cause de la pénurie d'eau dans certains quartier de la ville de Bujumbura. Après une courte pause, nous poursuivons avec cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rendons-nous en province Changuzo pour parler de ces femmes mariées aux agents des forces de l'ordre de défense dans cette province qui se lamentent du fait qu'on les exige les bons de soins en provenance des camps où travaillent leurs époux avant d'accéder au traitement des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Cette information est confirmée par Boniface Banyezako, gouverneur de cette province, qui précise que ce problème trouvera solution. Il a déjà soumis la question au médecin provincial de Changuzo. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Les femmes maliennes, aux militaires et aux policiers en province Changuzo déplorent qu'elles ne bénéficient pas convenablement du programme gouvernemental de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans, du fait qu'on les exige de se présenter aux hôpitaux et centres de santé avec des bons soins en provenance des cas de travail de leur mari. C'est le Sierra Neder, rencontré à la colline Muyaga de la commune et province Changuzo. En général, tout se passe bien. Les enfants sont soignés, sauf s'il s'agit d'un enfant d'un policier ou soldat pour qui on nous demande d'amener des bons de soins. Si tu n'en as pas, on te fait payer des frais de soins. Ce cas m'est déjà arrivé. J'ai payé 2500 francs pour un médicament contre la fièvre qu'on a injecté à mon enfant. J'ai également payé pour d'autres traitements. On trouve ces derniers dans le camp des policiers ici à Changuzo. Il suffit juste d'amener la carte mutuelle ou l'excès d'acte de naissance de l'enfant et on te les donne. Il demande au gouvernement de trouver solution à ce problème. Nous voulons que les choses soient tirées au clair. J'ai demandé pourquoi on nous exige d'amener des bons de soins alors que le président a déclaré que les femmes et les enfants de moins de 5 ans seront soignés gratuitement. Nous voulons être traités comme n'importe quel travailleur de l'État, surtout dans le cas où on n'a pas ces bons de soins. Nous demandons en outre de ne pas dissocier nos enfants des autres. Le président a bel et bien annoncé. On sait que tous les enfants de moins de 5 ans seront soignés gratuitement. Est-ce que ceux des policiers ou soldats sont exclus? Boniface Banyeza, co-gouverneur de la province de Changuzo, tranquillise ces femmes mariées aux agents des forces de l'ordre et de défense nationale qui a déjà soumis leur doléance au médecin provincial de Changuzo. Ils disent qu'ils se lamentent qu'on leur demande des choses compliquées. Et certains disent qu'on leur demande des papiers qui doivent venir de Bujumbura. Nous avons entendu cela, mais nous sommes entretenus avec le chef de district sanitaire pour amener leur doléance au sein du ministère. Et maintenant, nous allons encore échanger pour voir l'état d'avancement de cette question. Cet administratif provincial Boniface Banyezako ajoute que lundi de la semaine prochaine, il recevra en audience les envoyés spéciaux du ministère de la Santé publique et ses deux ministères ayant la solidarité dans ses attributions pour discuter de cette question de ces femmes. Jean-Marie Vianney Ngendakoumane, les bouteilles de récupération sont toujours utilisées dans les différents marchés et magasins de la mairie de Bujumbura. Lors de la troisième descente du directeur général du Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité BBN ce jeudi, les emballages trouvés sont collectés et chargés dans le véhicule, soit dans les bouteilles en plastique trouvées vides ou pleines de l'huile. Séverin Sindekengera appelle les commerçants à ne plus utiliser ces bouteilles en plastique pour la bonne santé de tous les Burundais. Le point avec Clovis Niyonkuru. Des différents marchés visités ce jeudi à mairie de Bujumbura, le directeur général du bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN, l'on a trouvé des commerçants utilisant toujours des emballages de récupération, à savoir le marché de Kinindo, marché de Ruziba et celui de Musaga. Tous ces emballages ont été retirés du marché, soit ce qui était plein de l'huile, d'oji et même les emballages de récupération vides. Severus Nekengela, directeur général du BBN, indique que ces activités doivent continuer pour l'éradication de ces emballages de récupération. On a encore du pain sur la planche. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais quand même, j'espère que le travail en synergie, le travail en collaboration, à commencer par vous, les journalistes, à commencer par les gens des différents ministères, à commencer par les institutions et qui constituent l'infrastructure nationale de la qualité. Je pense que quand nous allons travailler ensemble, en commençant par la sensibilisation, je pense qu'il y a moyen d'avancer. Parce que le Burundi est très petit et c'est très facile à contrôler. Et ce qui nous gêne ici dans le management de la qualité, c'est parce que la réglementation technique, c'est-à-dire la loi, les textes légaux sont là, mais ils ne sont pas suivis. Et je pense qu'on va plaider à ce que la loi soit respectée et au profit de toute la population, mais pas au profit d'une petite partie de la population, comme vous l'avez vu au niveau des marchés, ces petits commerçants d'huile ou d'autres choses qui ne comprennent pas que la santé des consommateurs, la conformité aux normes, et pour que les produits soient compétitifs, que ça prime, n'est-ce pas, à l'argent gagné par une partie au profit de la population. Ce que nous avons remarqué, les gens sont égocentriques. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes. Ils ne regardent pas l'intérêt public. C'est pourquoi ils commentent par rapport à leurs besoins. Nous, ce que nous faisons, c'est ce que on les interpelle à être compréhensifs, surtout dans l'angle de protéger le bien commun, mais pas le bien personnel. Cela est ainsi au moment où le directeur général du BBN avait exigé que ces emballages de récupération devraient être retirés du marché jusqu'à la fin du mois de mars cette année. Parlons justice pour clore cette édition. Il reste encore à faire au sein du ministère de la Justice. C'est notamment la formation des magistrats sur la loi régissant la cybercriminalité, selon le directeur de la coopération judiciaire et de la sécurisation des documents publics et privés ce jeudi à Gitega. Au cours d'un atelier de sensibilisation des magistrats dans les juridictions près les cours d'appel de Gitega et Ngozi sur la sécurisation des documents publics et privés, Germain Nawiyamara a dit qu'en attendant que la transition vers l'archivage numérique soit effective, les magistrats devraient revoir la meilleure façon de conserver ce genre de documents. Point final à cette édition. Merci madame, messieurs de l'avoir suivi. Merci également à Albert Andouaille qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Mireille Kanyang.